Satan veut de moi, veut de ma vie, mais il ne l'aura pas. Car je suis à Christ, je lui appartiens, tu ne m'auras pas. Tu es venu en retard, Christ m'a sauvé. Comme un poisson, j'ai déjà avalé son âme et son. C'est qui l'a rejeté. Ainsi comme celle-ci, tu veux mettre dans ma sang ce que j'ai jeté. Satan, tu m'auras pas. Je suis vacciné. Comme une femme, une fois l'ovule est fécondé. Et dans son ventre, elle ne peut plus recevoir autre chose. Satan, tu m'auras pas. Christ m'a. Chavirer, aller au fond de l'océan. Satan, toi tu m'auras pas. Christ m'a sauvé. Que le vent vienne, je peux même être bousculé. Mais au fond des eaux, mon ancre tient bon, alléluia. Jésus-Christ est l'ancre, l'ancre de. Parlant de mon passé. Mon passé a été trempé dans le sang de l'agneau. Et moi je te parle de ton futur. Tu seras brûlé comme un avion qui atteint la vitesse de non-retour. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Jésus-Christ. Na loyembo bouti koyoka ete tu es venu en retard ezaka nde nazako zomela satana vraiment nazako zomela emingi ete yaye vraiment vraiment en retard asali ba faux calcul ezalo kola ngai na kangama na nga deja na ndobo ya Yesu yaye na ye en retard a kozwanga lisusu te na goûter bonté Yesu aza malamu koleka ye et puis quelque part na lobiete ezalo kola mwasi tango vraiment ovule na déjà ezali fécondé frère et que col na eza fermé mais nani so kokotia lisusu zemi na mwasi alolenge wana esili ndenge moko pe na mokristo tanga yambi molimo santu col na ye matrice spirituelle na ye ekangami satan na ya na oyo ayemi mboto akozwa ye lisusu te donc tu es venu en retard eza pe lokola na suka na sukisi ete satana soki ozolobela ngai mpo na passe na ngai ye ba ete passe na ngai eza trempé na kati ya makila mais yo nga pe na bombeli oyo ya yo futur okozika na moto donc yango wana nde histoire tu es venu en retard kola pambola bino